Le sacre d'Élise. Elle attendait seule aux bougies. J'y ai proposé ma lance incendie, seule à seule. Je m'appelle Élise. Je me la suis faite à l'église. Faut croire que son nom l'a prédestinée à mes sermons. Ô Élise, de ton con je fais le sacre, toute ma force j'y consacre. C'est entre tes fesses que je fis la confesse. Pour la litanie du soir, c'est de la bonne liturgie. Ma bite encensoir, bas des lits d'orgie, sur ton corps furie, et de psaume en spasme, c'est jusqu'au cataplasme que mon foutre t'évangélise, ô ma tendre Élise.